une histoire particulière. Nous sommes le 14 août 1966, à Chamonix. Le temps est encore au beau lorsque deux jeunes alpinistes allemands, âgés de 25 et 23 ans, attaquent au matin la face ouest du sommet des Drus. Trois jours plus tard, les deux alpinistes se font surprendre par le mauvais temps alors qu'ils sont presque arrivés au sommet. La paroi verticale est lisse, couverte par le verglas. La corde du rappel pendulaire est quasiment pourrie. L'inquiétude monte. Devançant l'équipe officielle des secours, l'homme qui finit par redescendre les deux grimpeurs allemands sains et saufs, c'est Gary Hemming. Surnommé par la presse française le beatnik des cimes. Avec ses cheveux longs, son allure de vagabond, il semble tout droit sorti des univers de Jack Kerouac ou de Jack London. Aujourd'hui, Hélène Dely et François Teste reviennent sur le destin hors norme de ce héros américain aux allures de vagabond céleste. Barney Vaucher, vous êtes un grimpeur très reconnu à Marseille et ailleurs d'ailleurs. Vous écrivez aussi sur la montagne et l'escalade. Ici, on a laissé la voiture dans un parking près de Cassy et on va marcher, je crois, une cinquantaine de minutes pour arriver. Voilà, une bonne heure. Pour arriver au-dessus du plateau d'Envaux, ou même à une époque, on pouvait arriver en voiture, ce qui est d'ailleurs pour vous tuer des nuisances. En plus, on arrive dans un endroit culte, près du refuge du Piolet, qui était le refuge des grimpeurs qui voulaient rester longtemps sur place pour grimper au maximum en Vaux, parce qu'en Vaux, c'est quand même le lieu où, en termes de, à l'époque, en tout cas, avec les critères de l'époque, en termes de densité de belles voies d'escalade, c'était inégalable comme site. Donc Hemming, il adorait y rester ici au refuge du Piolet. Il avait qu'à mettre son duvet. Si un copain avait une voiture, il allait faire les provisions à Cassis et surtout la flotte. Et on pouvait rester plusieurs jours pour grimper tous les jours du matin au soir dans la canale d'Envaux. Gary Hemming, le vagabond des cimes. Un documentaire d'Hélène Dely et François Teste. Le destin d'un anti-héros. Cette image des héros, tu vois, qu'ils ont construit sur moi, qu'ils ont fabriqué sur moi, c'est faux, tu vois. C'est pas. Tout le monde sont un héros un jour et un con, un lâche le prochain, tu vois. Et ça passe entre les minutes même, tu vois. Moi, je suis exactement comme tous les restes, nettement moins fort que certains autres camarades alpinistes. Oui, on t'a appelé le beatnik des cimes, qu'en penses-tu? Il peut m'appeler n'importe ce qu'il veut, tu vois, ça. Après le sauvetage des Drus, au mois d'août 1966, Gary Hemming est devenu un héros national et va marquer toute une génération de grimpeurs. Les journalistes se pressent pour l'interviewer, vantent son tempérament chevaleresque, sa décontraction à l'américaine et ses idées anticonformistes qui préfigurent les mouvements libertaires et contestataires de la fin des années 60. Mais quelque chose en lui résiste à l'emballement médiatique dont il fait l'objet. Un mystère, la part d'ombre d'une figure solaire. Gary Hemming meurt prématurément le mercredi 6 août 1969 au bord du lac Jenny, dans le parc national du Grand Teton, au nord-ouest de l'état du Wyoming, aux États-Unis. Pierre Mazaud, vous avez effectué votre carrière en politique. Vous avez notamment été président du Conseil constitutionnel entre 2004 et 2007. Mais votre autre passion, peut-être même votre première passion, c'est la montagne, c'est l'alpinisme. Vous avez effectué de nombreuses premières au cours de votre vie, des grandes courses. Mais vous étiez aussi l'ami de Gary Hemming. Comment est-ce que vous l'aviez rencontré? Alors Gary, je l'ai connu après qu'il ait réussi une très grande course, la face sud du Fou. Il y avait toute une équipe d'Anglais, etc. Et il y avait Gary et John Harlin. John Harlin, je le connaissais bien parce que j'avais un petit Mazaud à Chamonix où il venait très souvent. Et c'est John Harlin qui m'a fait connaître Gary. Avec Gary, j'ai plutôt grimpé en école d'escalade, quand il est venu habiter à Paris, chez moi, rue de la Victoire, où il est resté une bonne année. Alors on partait tous les dimanches au Saussois ou à Fontainebleau. Et avec Gary, on est devenus très très amis, on a parlé de beaucoup de choses, le moins possible de montagne, d'ailleurs on n'en parlait presque jamais entre nous. Mais j'ai découvert un garçon de grande valeur et j'ai découvert un garçon qui avait une très grande culture. Il lisait Proust, il lisait les grands classiques français et il s'intéressait notamment à la politique à une époque où moi j'étais dans des cabinets ministériels et je suivais de très près la politique. On allait souvent à pied de la rue de la Victoire, c'était pas tout à fait à côté, jusqu'à un quartier qu'on aimait bien, le quartier latin, et notamment la place de la Contrescarpe. Il avait un amour immodéré pour la place de la Contrescarpe, moi aussi d'ailleurs. Et là, on avait des conversations autour d'une bière ou tout, parce qu'il ne buvait pas d'alcool lourd. C'est un garçon qui était curieux de tout. Et la curiosité, pour moi, c'est une qualité énorme. Il écrivait beaucoup, Gary Hemming, il tenait un journal. Ah oui, il écrivait sans arrêt, c'était tout ça dans une malle quand il habitait rue de la Victoire. Alors il écrivait journal ou autre chose, ou des réflexions sans doute. Justement, ce qui démontre que ce type avait autre chose que la montagne, quoi. C'est ce qui m'intéressait. Voilà, alors donc là, on est sur le plateau du Cadéron, qui est bien boisé, je l'ai eu connu moins boisé, qui est bien boisé, qui est la rive gauche de la Calanque d'Ambou. Et bientôt, on va arriver juste au-dessus des falaises, et là, je vous laisse imaginer le choc. On va dominer la Calanque et la mer de presque 150 mètres. C'est la hauteur des voies en face. Pas rive gauche, elles sont moins hautes, mais en face, il y a des voies qui partent de l'eau, dont le célèbre pilier des Américains, qui a été une voie emblématique des années 60-70, et qui est l'œuvre de Gary Hemming, associée à ses compères Harlin et Royal Robbins. Et on va aller 50 mètres plus loin, et on va voir la magie. Lothar Mohr, vous étiez un grand ami de Gary Hemming. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré dans la Calanque d'Envaux. La première fois, je voyais un gars qui grimpait pratiquement pieds nus, avec des savates et en solo sans cordes. Oh, je ne savais même pas qu'on pouvait de telles difficultés faire sans une corde. Je trouvais ça suicidaire. Et il m'a appris tout sur la montagne, la manière comme lui, il voit la montagne. Premièrement, quand on fait une première en montagne, on enlève tout. Tous les pitons, il faut les enlever. Mais lui, il exigeait ça, et puis de ne rien dire à personne. Ça, c'était pour soi-même. On ne fait pas la publicité, on grimpe pour soi-même. Et on laisse la montagne exactement pareille comme on l'a trouvée. Et lui, Gary, lui, était écologiste avant son temps. Jamais, quand on bivouac, on devait trouver déjà aucun papier, aucune boîte de conserve, effacer le feu complètement quand on ne le voit pas. Il disait toujours, il faut agir comme les Indiens, comme les peaux rouges, il faut, comme les Red Indians, qu'on ne trouve jamais ce qu'on a fait. Et ça, c'était la philosophie des Gary. Marcher une heure, c'est ça à peu près, Bernie, pour arriver voilà, ici. De pour nous, il faut compter une bonne heure pour venir ici. Pour arriver au-dessus de la Calanque, pas en bout, parce qu'ici, il faut compter encore une demi-heure pour y arriver. Voilà, donc on est sur le rebord du plateau. La mer est presque à la verticale, sous nos pieds. On est rive gauche de la Calanque d'Envaux, et c'est la meilleure saison pour aller en bout, parce qu'il n'y a personne, comme vous pouvez le constater. Bon, là, il ne faut pas se casser la gueule. Parce que même si elle passe en 40 mètres, il y en a 40 d'un coup. Voilà. Alors ça, c'était le paradis de Gary Hemming. Arline aussi, il venait beaucoup. La calanque d'Envaux, où il a laissé au moins 3 itinéraires mémorables, peut-être même 4. Alors lesquels, Barney? Alors le plus célèbre et le plus beau, c'est le pilier des Américains, qui est juste en face de nous, qui démarre à peu près à 50 mètres de la plage. C'est le pilier un peu proéminent qui part de l'eau. On part un peu à droite, on monte à la vire. Au-dessus, il y a le fameux surplomb Cassius Clay, qui est un des deux passages clés, extrêmement athlétique et dur. Après, on arrive à une terrasse avec des pins, et il grimpe tout droit jusqu'au sommet, et il passe à droite, dans les surplombs noirs, un peu sur la droite. Donc, quand j'étais un jeune grimpeur, c'était un itinéraire qu'on souhaitait tous faire, qui marquait l'entrée dans une classe de grimpeurs, de catégorie de grimpeurs. On avait une espèce de challenge entre nous. François Guillot. Qui était, on l'a fait avec le moins de points d'assurance possible. Et on était arrivé à la faire avec 3 points d'assurance pour 5 longueurs. Ça veut dire un point par longueur sur 3 longueurs et les deux autres, pas de points du tout. C'est-à-dire, c'est du solo, quoi. Ce qui était une espèce de challenge idiot quand on y pense avec le recul, mais bon voilà, c'était le jeu. Tant et si bien que j'ai fini par la faire en solo, celle-là aussi, bien sûr. Il n'y a pas eu de mort. Hein. Barney Fauchet et la traversée Gary Hemming, alors. Alors ça, c'est un style qui après est devenu ma marque de fabrique, tellement j'aimais grimper au ras de l'eau. Mais les précurseurs dans ce domaine-là, c'est Gary Hemming, François Guillot, Lothar Mock et quelqu'un qui nous a malheureusement quitté, qui s'est suicidé, Jean-Max Bourgeois. Quand tu as les doigts bien usés, que tu n'as plus envie de grimper, que tu as la flemme et que tu es allongé sur la plage, il suffit de mettre les chaussons, d'être en maillot de bain, même pas d'ailleurs, et hop, tu t'amuses au ras de l'eau. Donc ils sont partis de la plage et ils sont arrivés jusqu'à la descente du plateau de Castelvieille. Donc ils ont fait 200 mètres de traversée. Et donc, en hommage à Gary Hemming, ses 3 copains ont donné le nom de traversée Gary Hemming. Et pour lui, la calanque d'Envaux, ça lui rappelait des sensations qu'il avait connues dans les Sierras californiennes et dans la vallée du Yosemite dans les années 60, il n'y avait pas grand monde. Cette beauté de la nature à l'état pur, pas souillée. Les grimpeurs américains de l'époque ont pu influencer l'escalade en France? D'abord parce qu'ils avaient ce terrain de jeu du Yosemite qui est quand même assez fantastique avec des parois granitiques verticales de jusqu'à 1000 mètres. Donc eux, ils avaient les Yosemite comme nous, on avait les calanques à Marseille. Sauf que les Yosemite, c'est 10 fois plus haut et c'est du granit. Donc ils ont développé une capacité en fissure qu'on avait moins et un équipement qui était assez, entre guillemets, révolutionnaire par rapport à ce qui se pratiquait à l'époque, où l'équipement de protection, c'est-à-dire les pitons, avait plutôt été développé à partir d'une escalade calcaire avec des aciers doux, contrairement aux équipements développés par Yvon Chouinard, qui a créé Patagonia, qui étaient des équipements en chrome molybdène, d'un acier très dur, très élastique. Et la tenue du piton était basée sur l'élasticité du métal plutôt que sur la déformation du métal. Et là, avec les pitons américains, et surtout en granit, avec 2 coups de marteau, le piton est ressorti, tout en ayant une résistance au choc et une très bonne tenue, beaucoup plus rapide à planter, beaucoup plus rapide à enlever. Il avait en plus mis au point des pitons très large, à base d'une tôle d'aluminium, en fait, repliée, qui formait une... On appelait ça des bongs, parce que leur bruit, c'était comme bong quand on tapait dessus, et qui avait une largeur qui pouvait aller jusqu'à 20 cm. Donc, avec ça, on pouvait se protéger dans des fissures très larges. Mais donc, ils ont apporté tout ça, et ce qui leur a permis, quand ils sont venus dans les Alpes, de faire des parois qui paraissaient insurmontables aux gens du cru à l'époque. Voilà. Vous n'avez pas connu, vous, personnellement, Gary Hemming, parce que vous étiez peut-être trop jeune pour l'avoir côtoyé de près. Comment vous expliquez qu'il ait laissé comme ça une telle empreinte sur, pour les grimpeurs d'aujourd'hui, pour les grimpeurs comme vous ? Alors, le personnage lui-même était très pittoresque. Ensuite, il véhiculait des idées qui étaient un peu neuves. D'une certaine manière, il préfigurait mai 68, dans l'esprit libertaire, hein, pas dans la Révolution, mais dans l'esprit libertaire. Et il y avait, à la même époque, aux USA, le mouvement de Flower Power. Hein. Donc, il incarnait cette jeunesse-là, hippie, même s'il rejetait le terme, contestataire par rapport à l'American Way of Life, qui était lugubre. Hein, réussir avoir un métier avec du fric, réussir socialement. Lui, il rejetait tout ça. Et l'escalade, ça s'est rentré dans cet esprit de liberté. Et il a véhiculé cet esprit en France. Bon, en plus, il bossait pas, ou de petits boulots, ainsi de suite. Il se donnait le temps maximum pour grimper. Il était tout le temps dans les falaises, quoi. Et surtout, il avait cette façon de ne pas prendre la vie au sérieux, de pas se prendre au sérieux, qui plaisait beaucoup aux jeunes grimpeurs qu'on était. Est-ce que tu as des cheveux longs ? Gary Hemming. J'ai des cheveux longs parce que j'ai envie de porter des cheveux un peu longs aujourd'hui. Demain, je vais les couper. Après-demain, je me rase complètement. Je crois qu'il faut changer. Il faut changer la gueule, il faut changer la vie. Il ne faut pas s'habituer à faire les choses toujours de la même façon, coiffer de la même façon, bosser de la même façon. C'est une question de liberté, c'est pas une question de mode. Ça n'a rien à voir. Il faut battre contre l'habitude qui est en train de nous prendre toute notre liberté. Mirella Tanderini, vous êtes l'auteur d'un livre, d'une biographie de Gary Hemming, qui a pour titre « Le beatnik des neiges ». Comment est-ce que vous décririez la personnalité de Gary Hemming ? Il était vraiment une personne différente et difficile de comprendre, car il était comme quelqu'un qui était deux personnes. Un personnage généreux et alpiniste extraordinaire, mais surtout quelqu'un qui s'occupait des autres personnes, qui était aimable. Et d'autre côté, il faisait des choses qui me faisaient penser à quelqu'un de violent. Et c'est étrange, ça. Je veux dire qu'il aimait bien la discussion. Et quand il avait une position, il insistait, comme on doit insister dans un débat. Il insistait, puis si vraiment on ne suivait pas ce qu'il avait en tête, qu'on ne partageait pas son analyse du sujet, n'importe lequel, je ne peux pas vous le dire, moi, eh bien, là, il se mettait en colère un peu. Ah, il était très droit. Il était très drôle quand il voulait. Il était individualiste et il donnait pas son amitié à tout le monde. Très, très sélectif. Il avait quelque chose contre les bourgeois. Il était capable de prendre des colères sur le plan de Tepacap. Par exemple, on disait on avait comme objectif de faire des trucs hyper difficiles, et puis on avait peur, et il était capable de se foutre en colère sur un truc comme ça, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'es pas un homme, quoi, il faut y aller. Et il est mort comme ça, du reste. T'es pas cap. Il en est mort. Alors tu vois, quand tu me poses la question de Gary Hemming, tu as quand même des périodes d'exaltation fantastiques. Quand il est la vedette, quand il est au de rue, tout ça, quand il grimpe avec ses amis et tout. Et tu as des périodes de creux où il est complètement dépendant des potes qui l'hébergent. Bon, ces histoires d'amour, elles sont pas simples. Il court après la vache à cinq pattes. Mm-hmm. Hein, et puis, il a eu la chance de rencontrer une personne comme Claude Gare-Argenton qui a supporté ses frasques, mais il était immature par certains côtés. Enfin, moi, je me suis jamais senti particulièrement bien adapté à la société de consommation, mais j'ai quand même réussi à tenir 37 ans dans l'éducation nationale. Pour moi, ça a été plus difficile que toutes les grandes courses que j'ai faites réunies. Donc, rentrer dans les clous. Mais j'ai compris que si je voulais vivre et pas être au crochet de ma femme toute ma vie, fallait que je rentre un peu dans les clous. Et lui, il refusait cette idée-là, tu vois. Et ça l'a conduit, à mon avis, à des... Je le voyais mal vieillir, ce type. Je voyais mal vieillir. Comment tu veux vieillir quand tu es comme ça, que tu n'as pas réussi à arriver à... Il est mort en 70, il est né en 34. Il avait quoi, 36 ans? Oui. Bon. Il n'avait jamais réussi à se poser nulle part. Il courait avec une nana qui ne voulait pas lui, qui était une petite bourge, qui a dû être séduite parce que, ben ouais, il avait cette aura. Puis après, bon, ben, je sais pas, elle a dû épouser un cadre dynamique. Mais lui, il ne voyait pas les choses comme elles étaient réellement, je pense. Je veux dire, il y a un moment ou un autre, tu es obligé de t'adapter au monde, quoi. Oui, là ou là, peu importe. Ouais, peut-être... Il va falloir tirer à droite après. Là où ça passe le mieux, c'est par là qu'on est arrivé, François, sans doute. Hein. Il y a une barrière de broussailles à passer, personne n'est bon. Je crois que là, on est bon. Parce que là, tu vois, il y a des gens qui sont passés, on n'est pas les premiers. Lothar Maur, on a aussi parfois parlé du fait que Gary Hemming prenait régulièrement du LSD, des drogues qui étaient en vogue dans les années 60. Il avait toujours dans son sac de l'amphétamine. Les LSD, il les prenait très rarement. Mais je me souviens, une fois, il avait pris de l'LSD et on grimpait une voix en solo, lui et moi, en solo au clair de la lune dans les Calanques. La voix s'appelle la Saphir, je me souviendrai toujours. Je me suis dit, si jamais il tombe, je vais tomber aussi, il va tomber sans moi. C'est une voix de cinq longueurs, c'est à 100 mètres du sol. Je sais que quand il faisait la montagne, il avait toujours de l'amphétamine dans son sac. L'amphétamine, c'est un produit, si jamais on est bloqué ou on doit continuer coûte que coûte une ascension, on prend de l'amphétamine, ça marche encore 24 heures, mais si c'est plus longtemps que 24 heures, on est mort. Alors, enfin, c'est lui qui m'a raconté. J'ai jamais touché à ce truc-là. J'ai avoir plus en plus goût pour l'escalade solitaire. Gary Hemming. Parce que je suis plus attaché à la montagne, je suis plus partie de la montagne que quand je suis en collé avec quelqu'un d'autre. Quand je suis collé avec quelqu'un d'autre, je suis responsable envers lui. Et quand je suis toute seule, je ne suis responsable qu'envers la montagne et moi. Vous avez parlé d'amour de la montagne, c'est un amour qui ressemble à quoi? À celui qu'on a pour une femme? Peut-être oui, parce que c'était l'amour passionné tout de suite, c'était le coup de foudre pour moi. Est-ce qu'il y a une notion de combat aussi, de vouloir se battre avec la montagne? Ça arrive de temps en temps, mais je sais pas. Je crois que c'est plutôt avec que contre quand on est dans la montagne. On dit parfois que c'est inutile, l'alpinisme. Est-ce que c'est votre avis aussi, ou bien est-ce que vous avez l'impression que ça vous apporte quelque chose? Peut-être même à vous ou aux autres, je ne sais pas. Et la vie? La vie, c'est inutile? Est-ce que c'est utile ou inutile? Dis-moi. Gary Hemming, lorsqu'il répondait aux sollicitations des médias, donnait très peu de détails sur sa vie personnelle, sur son passé, jusqu'au, par exemple, au point de ne pas vouloir dire réellement son âge. Oui, c'est vrai. Quelquefois, il disait qu'il était très vieux. Quelquefois, il disait qu'il était un jeune homme. Il voulait cacher tout. Il voulait être vu, mais pas pris. C'était une forme de sauvetage de sa personnalité, de sa liberté. Car c'était la chose la plus extrême, plus importante et absolue de sa vie, la liberté. Gary, c'est ta passion, la montagne, hein, vraiment. Oh non, hein? La vie. C'est la vie. Justement, tu disais tout à l'heure à Monsieur Tournier, quand on parlait des morts en montagne, tu lui disais, est-ce que c'est pas une belle mort? Oui. Tu crois que c'est une belle mort, toi, en montagne? Oui, je trouve ça très belle. Oui. C'est en action. Et tu aimes la vie, hein, beaucoup. J'aime beaucoup la vie, oui. Mais j'aime beaucoup les jeux avec la mort. Ça, oui. C'est un certain plaisir, un grand plaisir. Lothar Maur, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris la mort de Gary Hemming? Ah, ça, c'était très, très, très grave. Je venais juste réussir, coup sur coup, la face nord du Grand Jorasse et la face nord de l'Aiguer. On est arrivé à la nuit à Chamonix et le matin, tout heureux, au soleil, une journée radieuse. J'achète le journal et je me mets sur la potinière, c'est le café juste en face du fameux hôtel de Paris. Et là, je ouvre et je vois Gary Hemming se suicider aux États-Unis, dans le Wyoming. Ouais. Ça m'a fait un choc, oui, parce que c'était la première chose que je voulais lui dire. Voilà, Gary, ton élève, il a réussi la face nord de l'Aiguer et la face nord des Grands Jorasse, coup sur coup. Et il était parti. Le fait qu'il se soit suicidé, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris, qui vous a posé question? Ça m'a pas surpris, parce qu'il m'a toujours dit... si je suis vraiment trop écœuré de la société, je vais me suicider. Il m'avait dit ça. J'avais l'impression qu'il était pas tellement à la vie et il s'en fichait. Il pouvait prendre des risques. Bon, mais ça passe ou ça casse. Vous m'aviez dit qu'il avait toujours un sac dans lequel il y avait un revolver et son carnet de son journal intime, quoi. Il s'est trimballé avec un revolver. Un grand truc, mais... C'était étonnant pour moi. C'était pas un grand sac, mais au fond, il y avait un revolver. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Dans la vie, on sait jamais. C'était Gary Hemming, le vagabond des cimes, avec Barney Vaucher, Pierre Mazot, Lothar Maur, François Guillot, et Mirella Tanderini. Archivina, ORTF, 1966. Merci à Catherine Destivelle, Lorraine Afanassiev, Charlie Buffet, Isabelle Chassin du Centre de documentation des clubs alpins français, Jackie Vaucher et Gaspard Hirschi. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire d'Hélène Dely et François Teste. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour un voyage au Moyen-Âge. Mais c'est une autre histoire.